بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حياكم الله. Aujourd'hui, le mercredi, le 1er juillet 2020, correspondant au 10 Dhul-Qa'da 1441 de l'Hégire, j'ai un grand plaisir de vous retrouver afin de poursuivre ensemble, bi'idhnillahi ta'ala, avec la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, notre lecture dans le livre de l'imam Ismail ibn Kathir al-Dimashqi al-Qurashi, qui est décédé en l'an 774 de l'Hégire. Son livre s'appelle Al-Fusul fi Sirati Ar-Rasul. Et on a commencé la dernière partie de ce livre dans laquelle l'imam Ibn Kathir rahimahullah a parlé des spécificités et des choses particulières à notre prophète alayhi salatu wassalam, que ce soit d'une manière exclusive et absolu, c'est-à-dire même par rapport aux autres prophètes, c'est des choses avec lesquelles Allah Azza wa Jalla l'a distingué, ou des choses qui peuvent être communes à lui ainsi qu'au prophète, mais pas aux membres de sa communauté, qui sont spécifiques à lui et qui peuvent être communes à d'autres prophètes, mais ne sont pas valables pour les membres de sa communauté. Donc cette dernière partie, elle est en deux volets. On a commencé le premier volet dans lequel l'imam Ibn Kathir a parlé des spécificités du prophète alayhi salatu wassalam comparé aux autres prophètes alayhi salatu wassalam, et il a rapporté un hadith selon Jabir radiyallahu anhu dans les deux authentiques, dans lequel Nabi Isa salam a cité cinq choses avec lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala l'a spécifié et qui lui a donné et n'a pas donné à un prophète avant lui. Il ne donnera pas un prophète après lui, car il est le dernier des prophètes. La première, c'est cette peur et frayeur qu'Allah Azza wa Jal jette dans les cœurs de ses ennemis à une distance d'un mois. À une distance d'un mois. Et ça, on l'a vu. Le deuxième, c'est qu'Allah Azza wa Jal a fait de la terre tout entière pour lui un lieu de prière et de purification. La signification, comme on a vu, c'est que dans notre religion, alhamdoulillah, parmi les mérites et les bienfaits dont Allah subhanahu wa ta'ala nous a comblés dans cette religion, c'est qu'on peut prier à n'importe quel endroit, quand c'est l'heure de la salat. Quand c'est l'heure de la salat, t'es en voyage, tu t'arrêtes et tu pries à l'endroit où t'es. Et font exception de la terre tout entière quelques endroits qui ont été cités dans les textes, tels que al-hammam, l'endroit où on se lave, tels que al-maqbara, le cimetière, tels que al-mazbala, ajallakumullah, la déchetterie, l'endroit dans lequel il y a des poubelles. Donc c'est ou bien des lieux tels que le maqbara, le cimetière, ou des lieux dans lesquels il y a des impuretés. Sinon, toute la terre est un lieu de prière pour le musulman. À n'importe quel endroit, il peut s'arrêter, il peut prier. Et il faut comprendre de ça que pour le résident, il doit, l'homme résident, il doit prier avec le groupe des muslimines dans la mosquée, dans laquelle on fait l'adhan 5 fois quotidiennement. C'est une obligation pour lui. Et également la terre, de la terre, on se purifie. On prend la terre pour faire ce qu'on appelle les ablutions sèches, avec les conditions connues dans les livres de l'fiqh. Et le mieux, c'est d'utiliser la terre pour sortir de toutes les divergences des hommes de science. Quand ceci est possible, c'est le mieux. Sinon, on peut se purifier avec tout ce qui est sur la surface de la terre, d'une manière naturelle, sans avoir subi une transformation, telles que les pierres, les rochers, le sable, et ainsi de suite. La troisième particularité, c'est qu'Allah Azza wa Jalla lui a autorisé le butin. Allah subhanahu wa ta'ala lui a autorisé le butin, ce que les muslimines prennent de leurs ennemis dans les batailles. Que ce soit après le combat ou sans combat. Des fois, les ennemis fuient, ils laissent derrière eux ces butins que les muslimines récupèrent sans combat. C'est un butin sans combat qu'on appelle al-fay. Et quand c'est avec combat, on l'appelle al-ghanima. Et il y a des savants qui ne distinguent pas entre les deux et qui voient que ce sont des synonymes. Mais ce qui est dans le Coran, c'est la différence entre les deux. Wallahu a'lam. En tout cas, ça a été autorisé pour notre prophète, alayhi salatu wassalam, et c'est le premier à qui ça a été autorisé. Et il est réparti d'une manière déterminée dans les textes, entre ceux qui ont participé dans la bataille et avant, comme on a vu, les prophètes avant lui, quand ils récupéraient ce butin, ils le mettaient à un endroit et Allah subhanahu wa ta'ala envoie un feu pour le brûler. Ils ne pouvaient pas en profiter. C'était interdit pour eux. Jusqu'à notre prophète, alayhi salatu wassalam. Le quatrième qu'on a vu, c'est l'intercession. Et on a vu ce qui est voulu par l'intercession qui est spécifique à notre prophète, alayhi salatu wassalam, en dehors de tous les autres prophètes, et en dehors de toutes les créatures, même, y compris les anges, les croyants, c'est la grande intercession. Quand il intercédera auprès d'Allah pour toutes les créatures, après qu'ils se dirigeront vers Adam alayhi salam, qui refusera, qui les renverra vers Nuh alayhi salam, qui les renverra à son tour à Ibrahim alayhi salam, à Moussa alayhi salam, à Isa alayhi salam, qui va les orienter vers Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Effectivement, Nabi Isa sallallahu alayhi wa sallam se prosternera devant le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala et le louera d'une manière qu'il ne connaît pas dans la dunya et qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui enseignera ce jour-là seulement. Il va rester tellement longtemps jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui dira « Oh Muhammad, lève ta tête et demande, tu seras exaucé et intercède, tu seras accepté. » L'intercession pour que Allah subhanahu wa ta'ala commence le jugement, jugé entre les créatures, subhanahu wa ta'ala, al-hisab, وما أدراك ما الحساب. Donc c'est cette shafa'a qui est visée dans le texte, dans ce hadith. Par contre, les autres shafa'a sont communes aux autres prophètes, et il y en a qui sont valables même pour les croyants. Ils intercéderont en faveur de leurs amis, des membres de leur famille, et parmi les intercessions, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala permettra à la famille de son serviteur croyant, bien évidemment sa famille croyant, les croyants de sa famille, entre les mécréants et les croyants, le jour du jugement dernier, il n'y a plus de lien. Il n'y a plus de lien. Le lien qui restera dans l'akhira, c'est pas les liens de sang, c'est uniquement les liens de foi. Et même, et qu'Allah nous en préserve, même ceux, les membres de la famille qui sont tous les deux ou tous en enfer, wal'iyadu billah, qu'Allah nous en préserve, ils ne pourront pas être ensemble, parce que le feu de l'enfer et le châtiment dans le feu de l'enfer, c'est un monde. C'est un monde de châtiment. Et chacun est seul dans ce monde de châtiment, wal'iyadu billah. Et tout ce qu'on peut lire dans les textes qui nous montrent l'atrocité du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ça, malgré cette dureté et difficulté dans laquelle sera le mécréant, malgré cela, Allah subhanahu wa ta'ala leur variera les châtiments, afin qu'ils ne s'habituent pas à une seule catégorie de châtiment. Vous imaginez cela. Déjà, tu te dis, comment on peut s'habituer à ce châtiment? Mais malgré ça, mais tu le réalises. Yani dans le dunya, il y a des choses qu'on peut faire, des tâches très difficiles. Mais à force de les faire, comme si on s'habitue à cette difficulté. Donc, parmi les grâces par lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala comblera son serviteur croyant, c'est qu'il permettra aux membres de sa famille croyant de le rejoindre s'il est à un degré plus élevé que eux dans le paradis. L'entrée au paradis, comme vous savez, c'est avec la miséricorde d'Allah. Et la miséricorde d'Allah, on en bénéficie avec des causes. À leur tête, at-tawhid. Et plus on s'accourt à l'obéissance d'Allah, et plus on fuit sa désobéissance, plus on aura de chances de bénéficier de la miséricorde d'Allah. La miséricorde d'Allah dans l'akhira ne se doit qu'aux croyants. Et le mécréant n'aura aucune part dans la miséricorde d'Allah. C'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala, il est rahim, il est rahmanun rahim, rahmanun rahim, rahmanun dunya wa rahimul akhira. Comme les savants disent, il est ar-rahman dans dunya. Car c'est l'attribut de son essence. Et c'est, ça montre, Ar-Rahman, ça montre la largesse et l'immensité de sa miséricorde. Et de laquelle bénéficient toutes les créatures, y compris le mécréant. Et ça, c'est dans le dunya. Et il est Rahimul Akhira. Rahim de l'au-delà. Ça, c'est sa miséricorde qui profitera aux croyants uniquement. Et Rahma qui est dans le dunya, c'est une part de 100 Rahma. Et tout le reste, Allah subhanahu wa ta'ala l'a gardé pour l'akhira, pour faire miséricorde aux croyants. Pour faire miséricorde aux croyants. Toutes les formes de Rahma qu'on voit dans le dunya, c'est 1/100 de la Rahma qui est réservée aux croyants dans l'akhira. qu'Allah fasse qu'on soit parmi ceux qui bénéficient, qui profitent de la rahma d'Allah subhanahu wa ta'ala, le plus miséricordieux de tous les miséricordieux, subhanahu wa ta'ala. Et rahma, comme je vous ai dit, il y a des causes qu'il faut faire pour l'avoir. À leur tête, at-tawhid. Faut pas rester dans les leurs de shaitan et espérer sa miséricorde, subhanahu wa ta'ala, tout en lui désobéissant. Ça, c'est ghurur shaitan. Ce sont les leurs de shaitan. Et on est leurré, on est trompé si on pense ainsi. Faut faire des efforts tout en espérant la rahma d'Allah. Donc le paradis, on n'entre au paradis qu'avec la miséricorde d'Allah. On n'entre pas au paradis à cause de nos actes. Mais la miséricorde, ça s'obtient avec des causes. Et ensuite, les degrés dans le paradis, c'est chacun selon ses actes. C'est chacun selon ses actes. Ses bonnes actions dans le dunya. Et peut-être, dans l'akhira, tu verras un homme qui t'a dépassé de plusieurs degrés dans le paradis parce qu'il a dit plus que toi, subhanallah, une seule fois. Ça nous montre le ghafla et l'insouciance dans laquelle on est. Et combien de temps on perd dans une journée dans laquelle on fait pas d'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. On fait pas de dhikr. Un dhikr, si on peut le dire, c'est le thermomètre de ton degré de foi. C'est la mesure de ton niveau de foi. Si tu veux savoir comment est ta foi, regarde comment elle est ta langue avec dhikr. Si tu vois que ta langue, elle va facilement dans dhikr, elle est diluée avec l'évocation d'Allah, alors sache, alhamdulillah, remercie Allah sur cette ni'ma et demande-lui le raffermissement. Car les actes ne valent que par leur fin. Innama al-a'malu bil khawatim. C'est pour ça le croyant, il ne cesse d'être dans la crainte, car il ne sait pas comment sera sa fin. Il ne sait pas comment sera sa fin. Et il sait que parmi les plus grandes épreuves qu'il traversera, c'est la dernière épreuve avant de quitter ce bas monde, quand l'âme quitte le corps et quand Shaitan l'attaque à ce moment-là pour le faire douter de sa religion ou pour le faire sortir de sa religion. Et quand tu vois que Shaitan n'a pas épargné les plus grands savants de cette communauté, tels que l'imam Ahmad, il est venu à lui dans ces moments. Il l'a invité à délaisser l'islam. Et ceux qui étaient autour de lui, il lui disait, yani son fils, il dit, « Dis la ilaha illallah. » Et l'imam Ahmad, il dit, « Laysa ba'd. Laysa ba'd. » Pas encore, pas encore. Et son fils, il a eu peur. On doit tous avoir peur parce qu'on a une apparence. Mais Allah a'lam ce qu'il y a dans nos cœurs. Quelqu'un, tu le vois dans le bien, dans son apparence, et nous, on est tenu de penser du bien des gens. Celui qui montre le bien, on pense du bien de lui. Et celui qui montre le mal, on pense du mal de lui. Également, on juge les gens selon leurs apparences. Et on rentre pas dans leur cœur. Allah subhanahu wa ta'ala nous a pas chargé de cela. Et quand on blâme quelqu'un pour une erreur apparente, il ne doit pas prendre comme excuse qu'il a un bon fond. Ça, c'est une erreur. Ton bon fond, c'est entre toi et Allah. Nous, on n'est pas concernés par cela. Donc, je disais, l'imam Ahmad, rahimahullah, était attaqué à ce moment-là. Qu'est-ce qui dit que toi, tu seras épargné? Son fils lui dit, « Dis la ilaha illallah. » Il lui dit, « Laysa ba'd, laysa ba'd. » Pas encore. Son fils a eu peur. Et après, l'imam Ahmad est revenu à lui. Il a repris conscience. Il lui a dit, je te disais, Abi, pour mon père, je te disais de dire la ilallah et tu disais la isabat. Il a dit, je m'adressais pas à toi. Shaitan me disait, oh Ahmad, tu m'as surpassé. C'est-à-dire, j'ai pas pu t'avoir. Je t'ai loupé. J'ai pas pu t'égarer. Tu t'es sauvé de moi. L'imam Ahmad lui disait, pas encore. Je suis encore en vie. L'âme est mon âme est encore dans mon corps. Je suis pas encore sauvé. Je t'ai pas encore échappé. Tu peux m'égarer encore et ça sera ça ma fin. Subhanallah. Ici, c'est Allah qui te raffermit. Le raffermissement ici, c'est Allah qui te le permet. Et également quand, dans notre tombe, on sera interrogé les trois questions, les trois fondements, au sujet des trois fondements de l'islam, c'est pas avec ta langue que tu vas répondre, c'est avec ton cœur. Et ceci, même si dans son apparence c'est un test, et le dernier test, et la dernière épreuve du croyant, en réalité, ce n'est que le fruit du vrai test qui est ta vie. Ici, tu vas récolter le fruit de ta vie. Et c'est pas ici où il va falloir faire des efforts pour répondre à ces questions. C'est pendant ton vivant. Si tu vivais sur ces trois principes, tu seras facilité. Et ces trois principes, tu les retrouves dans toute adoration. Dans toute adoration que t'accomplis, t'as les trois fondements. Quand tu pries, si on prend un exemple comme la prière, tu pries pour qui? Ça, c'est le premier fondement. Et tu pries selon quelle législation? La manière de prier. Selon quelle législation? Ça, c'est ta religion, la religion de l'islam. Et qui t'a transmis cette législation? C'est le prophète, alayhi salatu wassalam. Les trois fondements, tu les retrouves dans chaque adoration. Donc, je disais que Allah azzawajal comblera son serviteur croyant en permettant aux membres de sa famille de le rejoindre dans le degré dans lequel il se trouve au paradis. Car son bonheur et sa joie ne sera complète qu'en ayant ceux qu'il aime autour de lui. Et même s'ils sont à des degrés inférieurs, Allah subhanahu wa ta'ala leur permettra de l'atteindre et de le rejoindre et leur accordera le même degré que lui. Et ça, c'est ni'ma d'avoir un homme pieux dans la famille. Mais bien évidemment, ça c'est bénéfique et profitable pour le muwahhidin. Celui qui n'a pas de tawhid, il n'a rien fil akhirah wal iyad billah. C'est pour ça, c'est la chose la plus importante. Comprenons cela, qu'Allah nous fasse comprendre ce point extrêmement important qui est l'importance de tawhid. Allah n'accepte rien de tes actes qu'avec tawhid. Et il n'ira au paradis qu'un mouahid. Donc vous réalisez l'importance de tawhid rien qu'avec ce point. Alors que les mérites de tawhid sont énormes. Rien qu'avec celui-là, tu vois déjà l'importance de tawhid. Et tawhid, cette science, au début, surtout au début de son apprentissage, elle n'est pas aussi, par exemple, quand on parle de Sira, quand on parle de la biographie, en général, ces choses-là, ça t'attache et ça retient ton attention. et t'arrives à être concentré, et t'arrives à suivre, et tu finis un cours, t'as envie de aller du prochain. Parce qu'on raconte des histoires, tout ça, il y a du tawhid dedans, on peut pas parler de l'islam sans parler de tawhid. On parle des ablutions, forcément on va parler de tawhid. On parle du bon comportement, forcément on va parler de tawhid. On parle de tawhid, c'est partout. Mais quand c'est des cours de tawhid, en général tu vas trouver des lourdeurs. Tu vas commencer à bâiller, rapidement fatigué, peut-être un peu lassé. Ne t'étonne pas de cela au début, car Shaitan, il voit dans quoi tu t'orientes, dans des choses, yani les plus importantes de ta religion. Bien évidemment, il va pas te laisser. Il va faire son maximum. Shaitan, quand il te combat, sache qu'il fait son maximum. Il n'épargne pas d'efforts dans ton combat. C'est pour ça, il faut demander à Allah l'aide et travailler ta sincérité. Ça sera parmi les plus grandes aides pour toi dans ton attachement au tawhid. Et patienter. Et patienter jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala verra de toi la sincérité et la véracité. Et il va te faire aimer cette science au point où tu ne trouveras pas autant de plaisir et d'attachement à une autre science comme celle-là. Mais pour arriver à ça, qu'Allah nous fasse arriver à cela. C'est ce que les savants nous disent. Pour arriver à cela, bien évidemment, il faut fournir des efforts et faire preuve de beaucoup de patience et de dua. L'arme la plus forte que tu as entre les mains, c'est dua. C'est le summum de tawhid. Invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Il implorait, il lui demandait l'aide et le soutien dans tout ce que tu entreprends. Voilà, donc on a parlé de Shafa'a et on a vu les différentes catégories de Shafa'a et que la plus grande sera réservée à notre prophète alayhi salatu wassalam d'une manière exclusive et c'est celle-là qui est appelée al-maqam al-mahmoud. Le rang louable qui ne sera accordé dans l'akhirah qu'un seul homme. Et Nabi Issa salam, il a espéré être celui-là. Effectivement, c'est lui qui aura ce rang louable, extrêmement élevé dans l'akhirah, où devant toutes les créatures, il va intercéder, il sera le seul qui pourra le faire. Alayhi salatu wassalam. Et ce rang, il ne se doit qu'un seul homme. Et quand il l'a cité, il a dit, j'espère être celui-là. Et il est celui-là, effectivement, alayhi wassalam. Ensuite, l'imam Ibn Kathir a cité d'autres catégories de shafa'a. Celui qui a expliqué l'aqidah tahawiyya, Ibn al-Izz al-Hanafi, Ibn al-Izz ou Ibn Abi al-Izz. J'ai un doute. En tout cas, le plus connu de ceux qui ont expliqué l'aqidah tahawiyya. Il l'a expliqué avec les paroles de Cheikh l'Islam et de Ibn Taymiyyah et d'Ibn al-Qayyim. Le sharh le plus précieux de l'aqidah tahawiyya. Un trésor. Un livre rempli en science. Et la plupart des choses qu'il a utilisées, c'est des paroles d'Ibn al-Qayyim et d'Ibn Taymiyyah, mais ils ne les citaient pas. Car ceux qui citaient ces deux imams, ils brûlaient leurs livres, ils étaient menacés de prison. Il y avait des choses comme ça. C'est pour ça qu'ils citaient leurs paroles sans les citer. Et il nous a préservé ainsi beaucoup de paroles de ces deux imams dans son livre. Et beaucoup de savants faisaient cela. Certains, ils faisaient rentrer dans leur livre un livre entier du Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah pour le protéger. Donc Ibn Abi al-Izz rahimahullah, il a cité dans son sharh 8 catégories de shafa'a. Et l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il a cité, après avoir cité tout ce que les savants ont dit comme shafa'a, comme intercession qui aura lieu dans l'akhira, il a dit que ce qui est appuyé par les arguments authentiques sont 5 catégories de shafa'a. Et il les a dénombrées. De toute façon, l'imam Ibn Kathir, il va parler de shafa'a, encore une fois, il va aborder le sujet de shafa'a. Et la cinquième de ces caractéristiques de notre prophète, alayhi salatu wassalam, c'est qu'il a été envoyé aux hommes comme aux djinns. Il a été envoyé aux deux mondes, le monde de l'djinn et le monde de l'ins. Alayhi salatu wassalam. Il a été envoyé aux deux mondes, le djinn et l'ins. Alors que les prophètes avant lui, les messagers, ils étaient envoyés à leur peuple exclusivement. Et lui, il est le seul de tous les prophètes et messagers d'Allah, alayhi salatu wassalam, qui a été envoyé aux deux mondes. Comme Allah azza wa jalla dit, « وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ » Dans le sens approximatif, nous n'avons envoyé aucun messager qui n'ait utilisé la langue de son peuple pour leur expliquer le message d'Allah. Et dans l'autre verset, wa in min ummatin illa khala fiha nadhir. Wa in min ummatin illa khala fiha nadhir. Il n'est une seule nation qui n'ait vu venir à elle un avertisseur, c'est-à-dire un prophète ou messager. Donc, dans chaque peuple, Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé des prophètes et des messagers. Et les prophètes avant notre prophète, alayhi salatu wassalam, ils étaient envoyés exclusivement à leur peuple, comme Allah azza wa jalla nous a dit. Ils transmettaient le message à leur peuple uniquement. Contrairement à lui, alayhi salatu wassalam, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا. Dis, ô vous les gens, je suis le messager d'Allah à vous tous. Et Allah Azza wa Jalla dit, لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغْ. Pour vous avertir avec, c'est-à-dire avec le Coran, vous ainsi que ceux à qui il parviendra. Allah Azza wa Jalla dit également, وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ. Et celui qui mécroit ou qui ne croit pas en lui, parmi les différents différentes factions et parmi les gens qui suivent les différentes religions sur terre, quiconque ne croit pas en lui, alors le feu lui est promis, c'est-à-dire le jour de la résurrection. Allah Azza wa Jalla dit, وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. Dis à ceux qui ont reçu le livre, les gens du livre, et aux illettrés, êtes-vous entrés en islam? S'ils sont entrés en islam, ils seront engagés sur la juste voie. Ils seront bien guidés. Et s'ils s'en détournent, tu n'auras pas failli à ton devoir de leur transmettre ton message, c'est-à-dire le message qu'Allah t'a révélé. Et Allah voit parfaitement ses serviteurs. Wallahu basirun bil ibad. Dans plusieurs versets, comme ceux que je viens de vous citer, que l'imam Ibn Kathir a cité dans son livre, beaucoup de versets indiquent l'aspect général du message de notre prophète, alayhi salatu wassalam, et qu'il a été envoyé pour les demandes, les hommes et les djinns. Allah Azza wa Jal lui a ordonné de les avertir tous, hommes et djinns, arabes et non arabes. Et, alayhi salatu wassalam, il a accompli cette mission, à la perfection. Il l'a accompli comme Allah lui a ordonné. Et il a transmis le message d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Il l'a transmis dans son intégralité. Et il n'a rien caché de ce qui lui a été révélé, alayhi salatu wassalam. Voilà par rapport à ce hadith. Maintenant, l'imam Ibn Kathir va citer d'autres spécificités de notre prophète, alayhi salatu wassalam, en plus des saints qui sont cités dans le hadith. Parmi ces particularités, alayhi salatu wassalam, comparées aux autres prophètes, alayhi salatu wassalam, c'est qu'il est le plus parfait parmi eux, le maître de tous les fils de Adam et de tous les prophètes. Il est leur orateur, leur guide, leur imam, et il est le dernier d'entre eux. Il est le dernier d'entre eux. Et il n'y a pas un prophète avant lui qui n'a pas pris l'engagement sur son peuple et sur lequel l'engagement a été pris de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si jamais Allah Azza wa Jal envoie Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qu'il doit croire en lui. Et ils ont tous accepté cet engagement avec Allah subhanahu wa ta'ala. Comme Allah Azza wa Jal dit dans un verset d'une manière explicite, il a dit: Wa idha khadha Allahu mithaqa an-nabiyina lama ataytukum min kitabin wa hikmah ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. Donc dans le sens approximatif, Allah a pris sur les prophètes, l'engagement a été pris sur les prophètes. Si un livre vient vous confirmer le livre et la sagesse que je vous ai donné, yani qu'Allah Azza wa Jalla l'aura donné, s'il y a un livre qui vient confirmer ce qui vous a été révélé, vous a été donné de la part d'Allah comme livre et comme sagesse, puis ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم, puis il vous vient un messager pour confirmer ce qui vous a été révélé et ce qui vous a été donné. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ. Certes, vous allez croire en lui et le soutenir. Ensuite, Allah Azza wa Jalla dit, قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمُ إِسْرِي. Vous avez consenté, consentez-vous et tiendrez-vous cet engagement. Ils ont dit, قالوا أقررنا, ils ont dit nous consentons. Ensuite Allah leur a dit قال فاشهدوا, soyez témoin, et je suis avec vous comme témoin. Donc cet engagement a été pris sur tous les prophètes vis-à-vis de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, ce n'est valable que pour lui, alayhi salatu wa sallam. La signification de ce verset, il nous dit l'imam Ibn Kathir, que Allah Azza wa Jalla dit dans le sens, comme bien même je vous donne un livre et la sagesse qui vous est révélée aux prophètes et messagers, et que par la suite j'envoie un messager, vous devez croire en lui et le soutenir. Et cet engagement, il dit rahimahullah, il est valable pour tous les prophètes sans exception. Et il a été pris d'eux tous sans exception vis-à-vis de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ceci est une particularité de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui n'est valable que pour personne d'autre que lui. Car il est également, il est le dernier d'entre eux. C'est pour ça qu'il a pris de ceux, de tous les prophètes qui l'ont précédé, cet engagement. Et parmi ses particularités également, qu'il a citées, c'est qu'il est né circoncis, avec le cordon ombilical sectionné, comme ceci a été rapporté dans un hadith, mais ce hadith n'est pas authentique. N'est pas authentique. Et ça, on l'a vu quand on a parlé du début de notre prophète, alayhi salatu wa salam, après sa naissance, tout ça, on a parlé de la circoncision, et est-ce qu'il est né circoncis, ça c'est un avis, ou est-ce que c'est son grand-père qui l'a circoncis, et ça c'est le plus proche de, c'est le plus proche de la réalité selon les textes qui ont été rapportés. Mais de toute manière, le fait de naître circoncis, c'est pas quelque chose qui est spécifique au prophète d'Aïssa sallam. C'est pas quelque chose qui est spécifique au prophète d'Aïssa sallam. Il y a des gens normaux qui naissent comme ça. Qui naissent circoncis. C'est-à-dire avec le prépuce coupé. Et parmi ces particularités, c'est que les signes de la véracité de chaque prophète, qu'on peut appeler entre parenthèses les miracles de chaque prophète, se sont terminés avec sa mort. Yani, c'est des signes qui étaient valables pendant son vivant, ou pendant qu'il était sur terre, comme Isa alayhi salam, que les gens ont vu de lui pendant qu'il était sur terre, une fois qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a levé au ciel, car Isa n'est pas mort. Isa alayhi salam, il est toujours vivant, Allah subhanahu wa ta'ala l'a élevé vers le ciel, il descendra vers la fin des temps, sa descente sera parmi les grands signes de la fin des temps, et après ça, Allah azza wa ta'ala prendra son âme. Il goûtera la mort, comme toutes les créatures. Même l'ange de la mort goûtera à la mort. Donc, les miracles de tous les prophètes, leur fin était avec la fin de leur vie. Contrairement à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dont le miracle le plus grand qui est le Coran est valable jusqu'à ce qu'Allah azza wa jalla ordonnera qu'il soit levé. Vers la fin des temps. Ce livre avec lequel Allah azza wa jalla a mis en défi les hommes, les hommes comme les djinns, de ramener comme lui. Ils étaient incapables. Jusqu'à ce qu'il les a défiés de ramener une sourate comme le Coran. Et une sourate, c'est 3 versets. Inna a'tainaka al-kawthar, fa salli li rabbika wanhar, inna shani'aka huwa al-abtar. 3 versets. Ils n'ont pas pu. Ils étaient incapables, impuissants de cela. Alors qu'ils étaient les Arabes, l'éloquence, ils excellaient dans l'éloquence et dans la rhétorique, et malgré ça, ils n'ont pas pu ramener une sourate comme les sourates du Coran. Et parmi ces particularités également, qui s'est produite dans la nuit du voyage nocturne et de l'ascension, quand il est monté vers les cieux, il est arrivé à cet endroit dans lequel il y a cet arbre qui s'appelle Sidrat al-Muntaha, le lotus de la limite. Et on a vu que jamais personne n'est arrivé à cela, à cet endroit-là. Et il est redescendu sur terre, dans sa maison, en une seule nuit. Donc ça, c'est parmi ses particularités. L'imam Ibn Kathir, il dit, c'est parmi ses particularités, sauf si on comprend des textes, que ça n'était pas spécifique à lui. Alayhi salatu wassalam. Car, comme dans le hadith, rapporté par l'imam Tirmidhi, Nabi Isa alayhi salam, a dit, que Jibril alayhi salam lui a ramené le bouraq. Le bouraq, on a vu, c'est cette monture. De taille, elle est plus grande que l'âne, plus petite que le cheval. Elle fait un pas à l'endroit où arrive sa vue. Quand il lui a ramené cette monture, au début, la monture, comme si elle ne s'est pas laissée faire pour le prophète alayhi salam. Comme si elle a commencé à s'agiter. Et Jibril alayhi salam lui a dit, calme-toi, car par Allah, tu n'as jamais été monté par meilleur que lui. Ça, c'est un hadith authentique. Yani, si on comprend de ce hadith que ce bouraq a été envoyé à d'autres prophètes avant lui, et que Allah Azza wa Jal permettait cela également, ses ascensions, à d'autres prophètes avant lui. Ça peut se comprendre. Et dans le deuxième hadith qu'il a cité, rahimahullah, rapporté dans l'authentique de l'imam Muslim, Nabi Isa salam, quand il a attaché la monture à un anneau pour rentrer dans la mosquée de l'Aqsa pour y prier, il a dit, je l'ai attaché à un anneau auquel les prophètes attachaient leur monture. Donc, ça laisse entendre également que peut-être c'était commun aux autres prophètes, ce genre de voyage, wallahu a'lam. Mais de toute manière, il poursuit en disant l'imam Ibn Kathir, de toute manière, on ne connaît pas un prophète qui a été rapproché autant d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui a été honoré par cette proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala comme notre prophète alayhi salatu wassalam dans le cadre de son ascension vers les sept cieux. Et on a vu qu'il s'est approché à cet endroit auquel jamais une créature n'est arrivée avant lui alayhi salatu wassalam. Donc de toute manière, il y a une particularité pour lui, même si on suppose que ce genre de voyage yani était commun aux autres prophètes alayhim salatu wassalam. C'est pour ça que son degré au paradis était le degré le plus élevé et qu'il est la créature la plus proche du trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est au degré dans lequel il sera le plus proche d'Allah, car le toit du paradis, c'est le trône d'Allah. Et lui, il sera au degré le plus élevé du paradis. Comme il a dit dans le hadith authentique, rapporté dans l'authentique de l'imam muslim, Nabi alayhi salallahu alayhi wa sallam a dit, demandez à Allah de m'accorder al-wasila. C'est un degré dans le paradis qui ne se doit qu'un serviteur parmi les serviteurs d'Allah. Et j'espère être celui-là. Donc, Nabi alayhi salallahu alayhi wa sallam, c'est pour ça, après l'adhan, c'est une sunna de demander au prophète alayhi salallahu alayhi wa sallam al-wasila. Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tamma wa salati al-qa'imah. Ati Muhammadan al-wasilata wal-fadila. C'est ce degré-là qu'on lui demande. Et celui qui demande pour le prophète alayhi salam ce degré, il bénéficiera, bi-idnillah, de son intercession. C'est parmi les causes de bénéficier de son intercession. En plus de faire salat sur lui beaucoup. C'est parmi les causes également. Il y a d'autres causes. Qu'Allah nous fasse profiter de l'intercession de notre prophète bien-aimé, alayhi salatu wassalam. Qu'Allah nous fasse vivre sur sa sunna, et prend notre âme sur sa sunna, et sur l'amour de sa sunna. Et nous préserve de l'innovation et des hérésies dans la religion. Parmi ces particularités, alayhi salatu wassalam, c'est que sa communauté, quand elle est unanimement d'accord sur un point, quand il y a un consensus dans la umma de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ça nous indique que ce consensus est sur la vérité. Tous les avis sur lesquels il y a unanimité des hommes de science, il y a consensus, sachez que c'est la vérité auprès d'Allah. On parle de la vérité auprès d'Allah. Naam. Car sa umma ne peut pas avoir un consensus sur une erreur ou sur quelque chose de faux. Donc le consensus de sa communauté est infaillible. Mais quand il y a un vrai consensus, parce que des fois, comme vous savez, il y a des savants qui sont connus pour être laxistes quand ils rapportent le consensus. Pour ça, les savants, ils les connaissent et ils prennent avec des pincettes quand ils rapportent un consensus. Ils vérifient chez les autres hommes de science. Mais les points sur lesquels il y a consensus des hommes de science, on peut jurer par Allah que c'est la vérité. Quand il y a un vrai consensus qui remplit les conditions. Et est-ce que les gens de l'innovation sont pris en compte dans le consensus, l'avis le plus juste? Non. Leur parole n'a pas de poids. Donc le consensus sur la vision d'Allah dans l'au-delà. Malgré que le Mu'tazila dise non, on verra pas Allah. Le consensus sur la balance, que c'est une créature d'Allah. Réel, ayant deux côtés, deux plateaux, dans lesquels seront pesés les actes, les péchés, les bonnes actions et les mauvaises actions, seront pêchés les livrets dans lesquels sont inscrits les bonnes actions et les mauvaises actions, et seront pesés également les personnes, celui qui œuvre. Même si le Mu'tazila disent la balance, c'est quelque chose, يعني معنوية. C'est pas يعني matériel. C'est pas quelque chose de matériel. C'est يعني la balance, c'est la justice d'Allah. Et ça me fait penser à quelque chose, subhanallah. Ça me fait penser à un point. يعني des gens qui rapportent que des étudiants en sciences ou des chouyours qui ont étudié en Arabie Saoudite dans les écoles depuis le primaire, si c'est pas la maternelle, jusqu'à obtenir un doctorat et qui ont été avec les savants pendant plusieurs années, plusieurs années, quand je vous dis plusieurs années, 30 ans, avec les hommes de science, collés aux hommes de science. Ils rapportent de l'un d'entre eux comme quoi ils croient que la balance, par exemple, al-mizan, c'est un attribut d'Allah. Je ne pense pas que quelqu'un parmi ceux qui m'écoutent maintenant peuvent avoir cette idée en tête que la balance, en gros, la balance, c'est Allah. C'est son attribut. Et c'est clair, si jamais c'est prouvé qu'un homme de science ou qu'un étudiant a parlé avec quelque chose comme ça, c'est clair et c'est évident que c'est un lapsus. Il n'a pas pensé cela. C'est une certitude sur laquelle je peux jurer. غير حانف إن شاء الله. Mais subhanallah, il y a des gens, ils ne cherchent qu'à salir la réputation des gens. Et rapporter ces choses-là, c'est, wallahi, c'est très triste. Malheureusement, on est arrivé à ça. À faire plaisir aux gens de l'innovation quand ils voient que dans nos rangs des gens qui ont été décrits comme étant la tête des salafis dans des régions, dans des endroits, et qui sont connus des savants depuis 30 ans et plus, et ils disent ils ne savent pas ce détail. Subhanallah. Est-ce que ces gens-là font attention à l'intérêt de la da'wah? Ou seulement faire triompher leur parti? Seulement faire triompher leur parti, wal'iyadu billah. Pour vous dire, ça m'a tellement perturbé ces choses-là que j'ai posé la question à mon petit-fils qui avait étudié ici, en Saoudia, en Medina, il a étudié uniquement la maternelle. Je lui ai demandé, ya walad, al-mizan, c'est quoi? Un attribut d'Allah? Il m'a dit non. Et je lui ai jamais enseigné ce point. Je lui ai jamais enseigné ce point, par Allah. Il m'a dit non, c'est une créature d'Allah. Je lui ai demandé l'arche, le trône, parce qu'ils ont rapporté également le trône. Quelqu'un croit que le trône, c'est Allah, c'est la description d'Allah. Je lui ai demandé le trône. C'est quoi? C'est un attribut d'Allah? Il m'a dit, non, c'est une créature d'Allah, distincte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il a précisé un point que je vais vous citer. Il a dit, sur laquelle il s'assoit. Bien évidemment, s'asseoir sur le trône, on ne le dit pas. Ça, c'est la vie juste par rapport à ce point. Parce que ça n'a pas été rapporté dans les textes. On dit Allah s'établit sur le trône. Yastawi. Il s'élève au-dessus de son trône. Il s'établit sur le trône de la manière qui convient à sa majesté, sa grandeur. Et on n'utilise pas al-julus malgré que ça a été utilisé par des imams de salaf. Je vous dis, awalid, alhamdulillah. Ce que tu as dit, ça a été dit par salaf, certains salaf, mais ce qui est juste, c'est que on dit pas comme ça. On dit ce qui est dit dans le Coran. Yastawi. Et subhanallah, il rapporte ça de gens que je connais personnellement. Même s'ils ont un niveau faible dans l'ilm, ça peut pas arriver à ça. Ça, c'est forcément un lapsus. Et j'appelle ces gens-là à craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi. شمتوا فينا أهل البدع. Ils ont laissé quoi aux gens de l'innovation à dire de nous, des salafis? Qu'est-ce qu'ils ont laissé? Jamais à ma connaissance un innovateur n'a critiqué les savants, n'a critiqué Ahl Sunnah avec des choses avec lesquelles il dénigre les salafis aujourd'hui. Qu'Allah les ramène vers le haq. Wallahi, qu'ils reviennent vers le haq. Et vers la vérité plus aimée à nous que les biens de ce bas monde. Et surtout ceux qu'on connaissait avant, parmi eux, avec le bien, et qui ont dévié malheureusement avec cette fitna, et qui ont suivi le hawa, la passion, qu'Allah les ramène vers le haqq. Et le fait de revenir vers le haqq et de reconnaître ton erreur, ça va pas te rabaisser chez les gens de le haqq. Au contraire, ça t'élève. وَالرُّجُوعُ إِلَى الْحَقِّ خَيْرٌ مِّنَ التَّمَادِي فِي الْبَاطِلِ. Revenir vers la vérité vaut mieux que de continuer dans l'erreur et dans l'égarement. Et ça me permet aussi de parler d'un autre point qui m'a été rapproché dans un des cours de Sira, quand j'ai parlé de Cheikh Rabi' Hafidhahullah et de tout le mal qui se dit de lui. Quelqu'un m'a rapproché, que je connais bien, m'a reproché que les termes que j'ai utilisés peuvent appeler les gens à l'exagération au sujet de Cheikh Rabi'. Car dans une expression, j'ai dit que, je cite ça de tête, j'avais pas préparé de parler de ces points-là. Mais quelque chose comme ça, j'avais dit que la pire chose qui puisse arriver, que tu puisses imaginer, la pire chose que tu puisses imaginer dans cette fitna concernant Cheikh Rabi', la pire chose que tu puisses imaginer, le mot c'est celui-là, dans toute ta vie. Et moi ce que je voulais dire de manière absolue, la pire chose et le pire des scénarios que tu puisses imaginer dans cette fitna, c'est que Cheikh Rabi' est dans l'erreur et qu'on se doit de le respecter et ne pas de le dénigrer comme ils font aujourd'hui. Ça, c'est, on s'imagine que c'est ça. Et ça, c'est la pire chose qu'on puisse s'imaginer. Yani, par rapport à sa position. Je ne veux pas dire que l'erreur de Cheikh Rabi', c'est la pire chose qui puisse arriver à un salafi dans sa vie. Non, les savants, ils font des erreurs. On n'a pas de souci avec ça. On ne croit pas que les savants sont infaillibles. Mais les savants parmi Al-Sunna, comme Cheikh Rabi', qui ont passé leur vie dans la défense de la sunna, et qui ont consacré leur vie à la défense de la sunna, on vient pas les critiquer avec, ni les choses avec lesquelles ils les critiquent aujourd'hui, et avec quoi ils les dénigrent aujourd'hui. Ça, c'est on suppose qu'ils sont dans l'erreur. Alors que dire qu'il est dans le haqq? Et c'est ce que je crois. Il est dans le haqq. Et je peux jurer qu'il est sur le haqq. Mais subhanallah. De toute façon, si quelqu'un a compris de moi que j'appelle à vénérer Cheikh Rabi' ou de croire qu'il est infaillible, qu'il corrige cette compréhension. On n'a pas de mal à revenir sur une chose, même si moi, c'est pas ce que je voulais. Le mot est sorti comme ça, d'accord, il n'y a pas de souci. On revient dessus, il n'y a pas de souci, alhamdoulilah. Mais la chose, c'est que, est-ce que c'est pour autant que ces gens-là ont dit tout ce mal de ce savant aujourd'hui et l'ont boycotté et appellent dans leurs assises privées à le boycotter? Et ça, c'est quelque chose sur laquelle je peux témoigner, que j'ai vécu moi. Si eux, ils connaissent pas ça, moi, je le connais. Et eux-mêmes, ils ne visitent plus ce cheikh. Comment expliquer ces choses-là? Et comment expliquer le mal qui a été dit de d'autres savants, sans preuve, sans argument? Alhamdulillah, on sait que tous les hommes de science peuvent faire des erreurs. Et le problème, c'est pas de faire une erreur. Le problème, c'est pas de faire l'erreur. C'est de persister sur l'erreur et de faire l'ouala ou al-bara sur cette erreur. Tu critiques sans preuve des gens qui sont innocents jusqu'à preuve du contraire, et tu fais l'ouala et le bara sur cette mise en garde. Celui qui n'accepte pas de toi cette mise en garde, c'est pas un salafi. Tu mets en garde contre lui. Ça, c'est le hizbiya, c'est pas le salafiya. Et c'est pour ça, Cheikh Rabi' a mis en garde contre cet homme. Il a mis en garde parce que cet homme, non seulement il a fait des mises en garde sans preuve, et ça, beaucoup de gens croient que pourquoi on ne tolère pas, yani c'est une erreur. Non, si c'était une erreur, ça ne serait pas grave, ça ne serait pas aussi grave. Ça reste le conseil et l'appeler à revenir vers le haq. Mais non seulement il a mis en garde, mais il a fait l'alliance et le désaveu sur cette mise en garde. Car si tu n'acceptes pas de lui cette mise en garde, il met en garde contre toi. Il a mis en garde contre des hommes de science, parce qu'ils n'ont pas accepté de lui sa position. Et il a mis en garde contre des centaines de gens, avec leur nom, sans compter ceux contre lesquels il a mis en garde de manière globale. Des salafis dans une ville au Maroc, tous mis en garde dans la ville. Pourquoi? Parce qu'ils ont montré qu'ils étaient avec l'imam de l'Jarh al-Ta'dil de notre époque, Cheikh Rabi'. Est-ce qu'on met en garde contre eux? Imaginons, c'est des muqallida. Est-ce qu'on doit mettre en garde contre eux? Ils ont suivi le plus grand savant, c'est ça leur devoir. Si t'as les dalils, suis dalil, na'am. T'as les arguments, suis les arguments. T'as pas les arguments, tu dois suivre le plus savant. Amma suivre le hawa et suivre celui qui te plaît. T'as les arguments, viens, montre-nous les arguments. Nous aussi, on suit avec toi. Où ces arguments vont apparaître? Quand? Comment? Comme a dit Cheikh Rabi Afal Harbi, vont apparaître entre les mains d'Allah le jour du jugement dernier. Lui aussi, il mettait en garde contre des gens sans avancer les dalils. Et regardez comment... Yanni, j'ai entendu qu'il est décédé. En tout cas, il a été oublié par les salafis. Et tous ceux qui suivent la même voie, ils vont avoir le même traitement. Car Allah préserve sa religion. Et Allah fait triompher les sincères et les véridiques. Donc ça, c'est par rapport au consensus de la Ummah. Et ce point a été détaillé, donc je reviens à ce que l'imam Ibn Kathir, que le consensus de la Ummah ne peut être que vérité. Car la Ummah est infaillible dans son unanimité et dans son consensus. Et ça, c'est détaillé dans les livres de l'Usul, les fondements de la jurisprudence. Dans les livres du fondement de la jurisprudence, cette question est détaillée. C'est ce qu'on appelle l'ijma', le troisième fondement. Et parmi ces particularités également, c'est que le prophète est le premier qui sortira de la terre pour le rassemblement. Le premier sur lequel s'ouvrira la terre, comme ceci est rapporté dans les deux authentiques. Et comme il est rapporté également, quand les gens seront foudroyés le jour du jugement dernier, il sera le premier à reprendre conscience. Alayhi salatu wassalam, rapporté également dans les deux authentiques. Et c'est rapporté dans un hadith selon Abu Huraira radiallahu anhu, dans l'histoire d'un homme juif. Quand il parlait, il a dit, il a juré par celui qui a choisi Moussa et qui l'a préféré sur les deux mondes. Un homme parmi les musulmans qui était présent, il lui a donné un coup quand il a dit ça. C'est-à-dire, c'est comme s'il la préférait à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ils sont revenus vers le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit alayhi sallallahu alayhi wa sallam, « La tufaddilouni ala Moussa. » Ne me préférez pas à Moussa alayhi sallam. Car quand les gens seront foudroyés, le jour de la résurrection, je serai le premier qui reprendra conscience et je trouverai Moussa attaché ou tenant au pied du trône d'Allah. Et je ne sais pas s'il a repris conscience avant moi ou si Allah lui a fait exception d'être foudroyé. Il n'a pas été touché par ce coup de foudre. Saq, yani foudroyé. Car il est rapporté dans certains hadiths, yani Moussa alayhi salam a été rétribué par le jour de Tour, quand il était sur le mont de Tour, quand il était yani devant le mont alayhi salam, et il a demandé à voir Allah Azzawajal, et ensuite Moussa alayhi salam a été foudroyé. Donc il est rapporté que il a été yani qu'il ne sera foudroyé qu'une seule fois, c'était cette fois, et il fera exception de ceux qui seront foudroyés le jour du jugement dernier. Donc, ce qu'on comprend de ce hadith, et ça je l'ai déjà expliqué, quand Nabi alayhi salam dit ne me faites pas préférer à Moussa alayhi salam, c'est-à-dire pas d'une manière dans laquelle il y a une diminution du rang de Moussa alayhi salam. Mais sinon notre prophète alayhi salam est meilleur que Moussa alayhi salam. Mais il faut pas préférer un prophète sur l'autre d'une manière à dénigrer l'autre. Le rang de Moussa alayhi salam auprès d'Allah est extrêmement élevé. Il fait partie des 5 messagers les plus déterminés d'entre eux et les meilleurs d'entre eux, alayhi salam. Ce qui est interdit, c'est de préférer un prophète à un autre avec un dénigrement de l'autre prophète ou quelque chose qui laisse entendre un dénigrement. Un manquement vis-à-vis de l'autre prophète, alayhi salam. Et parmi ces points également, c'est que notre prophète, alayhi salam, aura la bannière. C'est lui qui portera la bannière la plus importante le jour du jugement dernier. Chaque prophète aura sa bannière. Mais la plus importante, c'est celle de notre prophète, alayhi salatu wassalam. Et que sa communauté sera ressuscitée sur une terre un peu plus élevée que le reste. Et que Allah subhanahu wa ta'ala leur autorisera à sa communauté, à lui, de se prosterner sur la terre du rassemblement. À eux seuls et à aucune autre communauté, ce privilège ne sera accordé. Rapporté dans Sunan Ibn Majah, mais le hadith est faible. Le hadith est faible. Yani surtout, la première partie est rapportée dans d'autres hadiths authentiques. Mais la deuxième partie du hadith dans laquelle Allah Azza wa Jalla leur permettra de se prosterner en dehors de toutes les autres communautés, ça, par contre, c'est pas rapporté d'une manière authentique. C'est pour ça, on peut pas y croire. Et ça a été rapporté d'une manière authentique, dans l'authentique de l'imam muslim, que la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est la première communauté qui sera jugée. C'est la première communauté qui sera jugée. Et ça, c'est un privilège également. Et parmi ces points-là, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aura le bassin auquel se présentera les membres de sa communauté. Et ça également, c'est pas spécifique à lui. C'est pour chaque prophète, il y aura un bassin, un haoud, un bassin, sur lequel viendra sa communauté pour boire Mais la particularité de notre prophète, c'est que son bassin est le plus grand de tous les bassins. Et celui auquel se présentera le plus de monde pour y boire. Et parmi ses particularités également, c'est qu'il a été envoyé dans la terre la plus noble et la plus aimée par Allah, Mecca. Et que la terre vers laquelle il a immigré, qui est le Medina, est la deuxième terre la plus aimée par Allah sur cette terre, tout entière. Mais par rapport à ce point, il y a une divergence entre la plupart des savants et l'imam Malik. Et certains qui ont suivi son avis, qui préfèrent le Medina à Mecca. Et la plupart de ceux qui l'ont suivi, ils ont le même avis que lui, l'imam Malik, qui voyait que le Medina est meilleur que Mecca. Mais la plupart des dalils indiquent que Mecca est meilleur que le Medina. Le qadi Iyad a rapporté cet avis selon Omar ibn al-Khattab. L'imam ibn Kathir, il dit « Allahu a'lam ». Est-ce que c'est authentique selon Omar ou pas? Mais la plupart des savants sont sur l'avis que Mecca est plus méritoire que le Medina. Et que le Medina est en deuxième position dans le degré de mérite. Le Qadi Iyad a rapporté l'unanimité des savants sur le fait que la tombe dans laquelle est enterré le corps du prophète alayhi salam est la meilleure partie de la terre de manière absolue. Et parmi ceux qui ont rapporté ce consensus également, le Qadi Abu al-Walid al-Baji, un deuxième Maliki, Ibn Battal, un autre Maliki, de qui le Hafid ibn Hajar a profité énormément dans Sharh al-Bukhari, qui a expliqué le Bukhari avant Ibn Hajar. Il a un Sharh précieux. Le Qadi Iyad, c'est celui duquel a profité Nawawi rahimahullah dans l'explication de l'authentique de l'imam muslim. Quand je dis il a profité de lui, Ali, d'une manière très forte, il s'est basé sur son Sharh. Et Abu al-Walid al-Baji, c'est un grand savant maliki également, qui a expliqué le Muwatta de l'imam Malik dans un livre qui s'appelle Al-Muntaqa, duquel a profité énormément Ibn al-Arabi dans son Sharh de l'Muwatta Al-Masalik, fi Sharh Muwatta Malik. Et ils se sont basés dans cet avis comme quoi l'endroit dans lequel le corps du prophète A.S. est enterré et le meilleur endroit sur terre, ils se sont basés sur un hadith rapporté de Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu. Quand le prophète A.S. est décédé, ils ont dit, où est-ce qu'on va l'enterrer? Abu Bakr leur a dit, l'endroit dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a pris son âme est l'endroit le plus aimé par Allah. Alors on l'enterre au même endroit où Allah a pris son âme, dans la maison de Aïcha radiallahu anhu. Et il a rapporté un autre hadith comme quoi les prophètes sont enterrés au même endroit où Allah prend leur âme. Et parmi ses particularités, c'est qu'on ne peut pas hériter de lui. Pas comme les autres hommes, quand ils décèdent, les membres de leur famille héritent. Le prophète alayhi salam, il n'a pas laissé d'héritage. On ne peut pas hériter. Tout ce qu'il a laissé derrière lui, ça a été pour la trésorerie des muslimines. C'est pour ça Fatima radiallahu anha, quand elle est venue réclamer sa part dans l'héritage de son père, Abu Bakr lui a dit le hadith que les prophètes alayhi salam ne sont pas hérités. Nahnu ma'ashir al-anbiya la nourath. Nous les prophètes, on n'est pas hérités. Et ce qui est authentique, rapporté dans l'authentique de l'imam al-Bukhari muslim, c'est la parole du prophète alayhi salam, la nourath ma tarakna fa huwa sadaqa. On n'est pas hérité, ce qu'on délaisse derrière nous, ça sera une sadaqa, une aumône. Et Nabi alayhi salam, quand il est décédé, il avait une terre, et avant de décéder, il a demandé à Aïcha radiallahu anha, combien d'argent il avait à la maison, elle lui a dit, on a 7 dirhams, c'est-à-dire 7 pièces d'argent. 7 pièces d'argent. J'avais calculé une fois combien ça vaut, mais c'est une toute petite somme. Il lui a dit, donne ça, fi sabilillah. Je ne veux pas rencontrer Allah en ayant ni ce montant. Alors que c'est ni un montant insignifiant. 200 dirhams, c'est 20 dinars. 200 dirhams, c'est 20 dinars. Non, 500 dirhams, c'est 20 dinars. 500 dirhams, à fond, 200 dirhams, c'est... non, 200 dirhams, c'est 500 dirhams. Donc, 1 dirham, ça représente 20 dirhams, c'est... Oh là là, je me suis perdu. Je vais prendre un papier. J'aimerais vous donner cette information. 200 dinars représente 200, enfin 200 dirhams représente 20 dinars. Donc, 1 dinar représente 10 dirhams. Taïb, alhamdoulilah. On y arrive. 1 dinar représente 10 dirhams. Et un dirham, un dinar, c'est... Je vais reporter ça une autre fois. Parce que là, j'ai du mal. Tayyib. Parmi les dernières qu'il a citées, rahimahullah, des particularités du prophète, alayhi salatu wassalam, c'est des particularités qui sont communes à lui, ainsi qu'aux autres prophètes. C'est que ses yeux dorment, mais son cœur ne dort pas. Et c'est valable pour lui et pour tous les autres prophètes, comme c'est rapporté dans l'authentique de l'imam al-Bukhari. Quand il dort, c'est ses yeux qui dorment, mais son cœur ne dort jamais. Et ça, c'est pour tous les autres prophètes. Et également, comme il leur disait dans la salat, alignez-vous, car je vous vois derrière moi comme je vous vois devant. Et la signification du fait de voir derrière lui, est-ce que c'est il voit réellement ou il sent? Il y a des savants qui disent, c'est-à-dire il sent les gens derrière lui comme il les voit devant lui. Comme il les voit devant lui, il les sent quand ils ne sont pas alignés, il sent qu'ils ne sont pas alignés. Et d'autres savants ont dit non, il voit. Wallahu a'lam. Le dernier point, c'est que les prophètes sont vivants dans leur tombe. Bien évidemment, quand on dit vivant, une vie tombale. C'est pas la vie mondaine. C'est pas le hayat dunya. Le hayat al-barzakhiya. Ils sont vivants dans leur tombe, ils prient. Ça, c'est un hadith qui a été authentifié par l'imam al-Albani. Que les prophètes sont vivants dans leur tombe, et ça, c'est pas que les prophètes. Et, yani, la vie, c'est pas une vie de dunya. Tu passes devant un prophète dans sa tombe, tu lui parles, il t'entend pas. Donc, il y a des différences entre la vie tombale et la vie de dunya. Le prophète, alayhi salallahu alayhi, quand tu fais salat sur lui, même si tu es devant la tombe, il t'entend pas. Allah a chargé des anges de lui transmettre. Et dans leur tombe, ils prient. Voilà pour cette partie. Il va nous rester le deuxième volet, qui est les points spécifiques au prophète, alayhi salallahu alayhi wa sallam, comparés aux membres de sa communauté, que nous allons faire dans quelques cours, bi'idhnillah, d'une manière rapide. Et ainsi, on aura terminé ce livre. Je demande à Allah, subhanahu wa ta'ala, de nous accorder à tous une bonne fin et de nous maintenir sur tawhid pur. Et sur la sunna authentique de notre prophète alayhi salatu wassalam jusqu'à le rencontrer. Wallahu a'lam. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.